boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Bon, soyons clairs, si vous n'avez pas aimé le premier titre de ce soir, je vous plains puisque les Dandy Warhols, les potes du Brian Johnston Massacre, pour comprendre ma petite phrase, il faut voir le film dit. Bon, mais revenons à nos moutons, si vous n'aimez pas les Dandy Warhols, ce soir, allez vite vous coucher ou zappez notre émission. On découvre le nouvel album avec un premier titre du dernier album des Dandy Warhols. I'm Nouvel album ce soir des Dandy Warhols dans votre Pop and Rock, et les Dandy Warhols retrouvent leurs fondamentaux avec quelques invités. À l'instant, dans le morceau qu'on vient d'écouter qui s'appelle I'd Like to Help You with Your Problem, on avait un dénommé Slash. Ouais, cherchez bien, c'est un guitariste renommé. D'ailleurs, quand je vous dis qu'ils reviennent à leur traditionnel, le titre qu'on écoute tout de suite s'appelle Alcohol and Cocaine, Marijuana and Nicotine. Ouais, tous leurs fondamentaux. Les fondamentaux, je vous le dis, les Dandy Warhols, ils ne les lâchent pas. Et d'ailleurs, le titre qui arrive nous parle des cloches du jugement dernier. Ouais, belle perspective que les Dandy Warhols. Mais en fait, c'est bien ça, les Dandy Warhols. On écoute un quatrième titre ce soir, troisième du nouvel album Doomsday Bells. Ring dong, ring a ding dong, ring dong, ring a ding ding dong. Okay. bien dans Pop and Rock et ce soir notre programmateur vous offre la totalité ou quasi-totalité du dernier album des Dandy Warhols. Oh, calme-toi, il n'y aura pas tous les titres, on en garde pour les prochaines émissions. Ok. Là, je me rends compte avec un petit peu de retard que je vous balance depuis tout à l'heure le nouvel album, les titres du nouvel album des Dandy Warhols et que je ne vous ai même pas parlé d'eux. Alors pourquoi je les aime? Tout simplement parce qu'ils sont complètement décalés, complètement fous, qu'il n'est pas raisonnable de les recevoir dans un studio ou même sur une scène, on ne sait jamais ce qui va se passer. Ils sont capables de produire un album avec que des bouses et puis revenir quelques mois, quelques semaines, quelques années après avec un album comme celui de ce soir. On se fait le cinquième titre issu du dernier album des Dandy Warhols, ça s'appelle le Teutonic Vine. Many. then. Tout à l'heure, en introduisant cette soirée spéciale dernier album d'Andy Warhol, je vous disais qu'il n'avait pas hésité à faire de belles invitations. Les deux titres qui arrivent vont vous faire plaisir, en tout cas je l'espère, surtout par rapport à leurs invités. Le premier titre, ça sera I Will Never Stop Loving You, avec en invité prestigieuse Debbie Harry. Ça ne vous dit rien? Réfléchissez, Blondie, ça vous parle? Vous avez trouvé. Second titre qui arrive ensuite, Dancing With Myself, avec le Black Francis. Vous vous rappelez? Rappelez-vous? Pixies. Allez, on est parti pour une doublette. Tout d'abord, Debbie Harry, suivi de Frank Black, qui ne lâche pas les Dandy Warhol. We'll be right back. loving you. Comme tous les lundis entre 17h et 18h au 104.6, vous écoutez Pop and Rock. Peter Armstrong, Courtney Taylor, Chris Thompson, Brandon Eggleston, Jack Schooner, Keith Tenniswood, Gina Noel, ouais, tout ce beau petit monde est réuni pour le dernier titre des Dandy Warhols pour ce soir. Done. Yours is the only version of my desertion that I could ever subscribe to. That is all that I can do. You are a past dinner, the last winner. I'm raping all around me until the last. You're so cute when you're frustrated, dear. Yeah, you're so cute when you're sedated, dear. Yes, dear. Sleep tight, grim ride. We have 200 couches where you can sleep tight, grim ride. We have 200 couches where you can sleep tight, grim ride. We have 200 couches where you can sleep tonight. Sleep tonight. Sleep tonight. Sleep tonight. Who's completely certain there's nothing here to be into. That is all that you can do. You are a past sinner, the last winner, and everything we've come to, it makes you you, you. Oh, you cannot safely say, while I will be away, that you will not consider sadly astray, and you will not reach me. I am presenting a position that's past resentment, and now I can't consider. And now there is this distance. So sleep tight, grim ride. We have 200 couches where you can sleep tight, grim ride. We have 200 couches where you can. You can't sleep tonight. Sleep tonight. Sleep tonight. Get up for life. Sleep tonight. Et oui, après les 8 minutes de l'anthologique, du merveilleux, du splendide, Pilier des New Yorkais de Interpol, on se lance avec les 3 affolés français de Lazy Strata. Thank you. Allez, Pop and Rock vous offre une seconde dose des 3 affolés français de Lysistrata. Depuis quelques semaines, j'ai l'âme voyageuse. J'aime aller gratter, chercher et trouver de nouveaux groupes. Et là, ce soir, après les 3 affolés de Lysistrata, j'ai trouvé un petit groupe que je crois être également un groupe français. Ça s'appelle Sarako. On écoute un premier titre de ce groupe Sarako. Ça s'appelle Open. Open your eyes and you will see all the good that you hide inside. Open your mind. Soul, we can stay. Et ouais, comme tous les lundis soirs, vers 17h50-17h55, l'heure de nous quitter approche. J'ai donc décidé de vous envoyer mes chouchous du moment. Ce sont des petits français, ils s'appellent Stick the Sound, et le morceau c'est Let's Go, écoutez. J'espère que cette heure pop and rock'n vous aura plu. Si c'est le cas, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Et comme toujours, bon vent à tous. outside the sound, and I'm so fed up with being old, don't try to.